Alors l'instant souvenir de ce mois-ci, c'est Zul Group. Donc à la différence des précédentes instances souvenirs, cette fois-ci ce n'est pas une instance à 5, mais une instance à 20. Ça a d'ailleurs été le premier raid à 20 joueurs. Il n'était pas présent lors de la sortie du jeu, il est arrivé au patch 1.7. Alors comme ça, de tête, hein, sans regarder mes notes, je dirais septembre 2005. Oui, tout à fait. Alors comme de coutume, on va commencer par la petite histoire. Et ensuite, vous racontez un peu nos souvenirs. Bon, cette fois-ci, je crois que c'est Amandine, elle n'a pas de souvenirs, hein. Elle a une amnésie. Mamie Amandine va aller nous faire un café pendant que les hommes parlent, hein. D'accord? Voilà, ah, moi je fais un petit tricot dans mon coin puisque j'ai jamais mis les pièces gourdes. Donc, moi je suis très triste parce qu'on n'aura pas les fameuses anecdotes d'Amandine, hein. On n'aura pas toute sa vie en fait au niveau 60, c'est dommage. On rate quand même ouais. Quelque chose. Pour une fois, je vous laisse la grappe, vous êtes plus en Mamie Amandine, raconte-nous une bon, histoire. Voilà, en échange, on aura JP cette fois-ci. Bon, je sais pas si on va gagner au change, mais bon. Alors, Zul Group, qu'est-ce que c'est? C'est pas mal ça. Donc Zul Group, c'est la capitale des trolls des jungles de l'empire Gurubashi, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il abrite, ou qu'elle abrite, je sais pas si c'est il ou elle, enfin monsieur Dab, le dieu Akkar, l'écorcheur d'âme, qui est donc le boss de fin de cette instance, et qui vit en plein centre-ville en fait. Donc vous avez le centre-ville, à côté les métros, et je perds bref. Et comme partout, le RATP des trolls fait chier. Voilà. Ouais, les trolls font la guêve. Alors, bien avant que les elfes de la nuit donc nature la Légion Ardente, donc on remonte à 10 000 ans en arrière, donc Azeroth était plutôt contrôlé par des races de trolls, notamment quelques trolls des glaces qui vivaient dans le nord, donc on pense plutôt du côté de Norfandre, et qui bâtirent un empire, beaucoup moins populaire que les empires des trolls qu'on connaît aujourd'hui. Et donc ils vivaient tranquilles de leur côté, enfin ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, et quand les elfes de la nuit sont arrivés, eux, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont chassé les trolls parce qu'ils sont rentrés très vite en guerre contre eux et ils ont détruit totalement cet empire qui était au nord. Donc l'empire Gurubashi, donc il s'appelait comme ça à l'époque, fut ensuite déchiré par une guerre civile. Donc en gros, ils n'ont pas eu de chance, ils ont en gros pratiquement été réduits à néant. Et un groupe de prêtres donc de l'empire Gurubashi, qui se faisait nommer les Atalai, donc c'est peut-être ce nom, ça vous dit quelque chose, le temple Atalai. Sera le temple englouti, pour ceux qui se rappellent au niveau 50. Donc les prêtres Atalai, ils ont tenté en fait de ramener sur terre leur ancien dieu Akkar, l'écorcheur d'âme. Donc Akkar, le fameux boss final en fait qu'on tue dans Zul Group. Donc les trolls qui tentèrent de ramener Akkar, ils furent vaincus et exilés. Et le grand empire troll, il s'effondra, donc là il restait pratiquement plus rien. Et en fait avec le temps, ces prêtres ils se sont rendus compte que leur dieu ne pouvait être invoqué qu'à partir d'un seul endroit qui s'appellerait en fait maintenant Zul Group. Donc c'est pour ça que Akkar se trouve dans Zul Group, tout simplement parce que c'était le seul endroit où il pouvait justement ramener son corps. Bon, je vous passe certains détails matériels, hein, parce qu'en vrai, il y a la fourniture, il y avait la Légion Ardente entre tout ça et tout ça. Donc on fait un pas sur ça. Donc les prêtres réussirent à réinvoquer Akkar, donc à le faire venir dans leur monde. Et donc le dieu a servi tous les trolls et. Et donc pour contrecarrer ces plans, les Gurubashi envoyèrent en quelque sorte des champions des dieux primordiaux, donc ceux qu'on connaît, donc à savoir ceux qui maîtrisaient les aspects de la chauve-souris, la panthère, le tigre, l'araignée et le serpent, pour justement essayer de stopper Akkar et d'arrêter encore plus le massacre qu'il était en train de faire. Malheureusement, ces prêtres tombèrent sous l'influence d'Akkar et sont ce qu'ils sont aujourd'hui, sont devenus en fait ses gardiens en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'on les affronte. Donc à la base, en fait, les prêtres qu'on affronte et qui se transforment en animaux, ils étaient là pour détruire Akkar. Et c'est également pour ça en fait que Akkar a justement le pouvoir de se transformer en chauve-souris, en panthère, enfin bref, un peu tout le zoo quoi, 30 millions d'amis, tout simplement. Tout simplement en fait, parce qu'il a récupéré les pouvoirs des personnes qu'il a asservies, donc des dieux champions. C'est pour ça qu'il faut se les tuer avant pour pouvoir éviter qu'ils se transforment en t'as plein de trucs. Voilà, donc en gros voilà pour l'histoire, hein. J'en vois certains de notre forum qui sont déjà en train de s'ouvrir une veine. Tout ça. Donc, comme je le disais, Zul Group est arrivé donc au patch 1.7, et c'est une instance raid pour 20 personnes. Et ça se situait en fait avant Molten Core, c'était une sorte de pré-raid 40. C'est un peu pour s'entraîner en quelque sorte, pour faire ses armes dans les premiers raids et voir un peu comment ça se passait. Alors attention, C'est pas arrivé avant Molten Core, c'est arrivé après BWL, il a été implanté après, mais justement pour avoir une difficulté intermédiaire et des nouveaux styles de combat. C'est un peu comme ils font de temps en temps maintenant qu'ils rajoutent les instances à 5 joueurs, c'est-à-dire c'est une instance entre les instances qu'il y avait avant et celle avant les raids en quelque sorte, avec un niveau d'équipement plus élevé pour justement qu'il y ait une histoire de te préparer avant le raid suivant. Oui, et puis pour les guilds qui n'arrivaient pas à réunir un roster de 40 personnes aussi. Aussi, ouais, tout à fait. C'était peut-être un peu un bêta test pour les raids 10 qu'ils ont continué ensuite avec Karazhan, etc., etc. Alors, Zul'Gurub, c'était mon premier raid, je me rappelle, ça remonte à longtemps hein, déjà ce truc. Alors ce qui était bien dans Zul'Gurub déjà, c'était une instance ouverte, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, bah, pratiquement toutes les cités trolls en fait c'était ouvert. Donc une instance ouverte, donc ça veut dire qu'on pouvait se déplacer en monture dedans. Il y avait une histoire d'un boss aussi qu'on pêchait je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, il y a une hydre en fait, quand tu vas sur un peu le point d'eau central, il me semble. Ça me fait penser au rôdeur d'en bas en fait. Donc c'est... Il y avait ouais. Les deux sont devenus des hauts ferrets. Bon, comme les précédentes instances dont vous parlez, les précédents épisodes, ce raid encore une fois n'est vraiment intéressant qu'à l'époque du niveau 60, parce que même si aujourd'hui au niveau 60, ça va être assez facile, hein, parce que les orbes de talent ont pas mal changé, et ça n'était pas du tout la même difficulté qu'on avait avant. Bon, les combats étaient quand même assez techniques. Hein. Moi, ouais. De ce que je me souviens, c'est que si on comparait par exemple à du Molten Core, qui était quand même très très basique, hein. Fallait taper le boss longtemps, hein. Fallait juste tenir tant qu'il DPS, et puis c'était réglé. Là, c'était, par exemple, je me souviens que c'était la prêtresse de la panthère, si je me souviens bien, c'était... Attends, le nom c'était quoi déjà? Alors on avait plusieurs noms, on avait Tekal, Mandokir, la prêtresse, comment tu as dit? Je me souviens plus, c'était panthère. Harlock, je crois. Je crois que c'était Harlock, la prêtresse de la panthère, qui se battait en intérieur, elle par contre. Donc il fallait aller dans son temple là, qui était situé à gauche sur la map. Et elle, par exemple, je me souviens qu'on y est même allé quand même au niveau 60, bien stuffé. Hein, donc on est allé un full raid comme ça pour faire, et que bah, on a quand même réussi à se faire poutrer parce que si on ne respectait pas certaines techniques de combat, on pouvait oublier parce qu'il y avait un pop de panthère assez phénoménal qui faisait quand même mal, qui embêtait les healers, etc. Ouais, c'est vrai, je me rappelle, nous c'est sur Harlock, on a passé des soirées et des soirées entières à wiper dessus parce que c'était vraiment technique et il fallait pas se moquer d'un chouïa, sinon c'est tout le monde qui crevait. Son histoire de pop de panthère, ça me fait un peu penser à Orihaya, ça a été repris en fait. De toute façon, comme je le disais dans l'épisode précédent, il y a toujours, Zul'Gurub, BWL aussi, mais Zul'Gurub a quand même instauré certaines techniques de combat avec des transformations et des phases. Bon, même si on avait déjà BWL, mais je veux dire que ça, après ensuite, c'est resté et que depuis, ils n'ont pas vraiment changé. Simplement, les boss sont un peu différents, mais les phases de combat sont toujours pareilles. Donc c'est vrai que Zul'Gurub avait un certain niveau de difficulté au niveau de la technique. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on retrouve tout le temps plus ou moins les mêmes choses. Vous allez peut-être me contredire, j'en sais rien, parce que j'ai pas fait les autres raids, BWL et compagnie, mais c'est pas le premier raid qui justement force le joueur à tuer les autres, les boss intermédiaires avant d'arriver au boss final. Comme il y a maintenant, genre avec Maligos, c'était avec l'autre dragon. Là. Sartarion. Oui, Sartarion, où t'as les Drake à tuer avant. Enfin, soit tu peux les tuer avant en même temps, ou les laisser et essayer de tuer Sartarion alors qu'il y a les Drake avec. Alors que là, c'est un peu pareil. Je pense que si ça avait été un ouf fait, les gens auraient tenté justement de faire, par exemple, Akkar sans avoir tué les autres boss. Je pense qu'il y en a qui l'ont fait. Personnellement, nous, on n'a jamais testé. Mais c'est vrai que quand tu avais Akkar qui était déjà franchement difficile, hein, je veux dire, ouais. Quand il y avait aussi une certaine technique à respecter, si en plus ce boss-là avait en plus toutes les techniques de tous les prêtres qu'on n'aurait pas tués, je pense que là, ça aurait été un sacré au fait de le faire à ce moment-là. Je me posais justement la question à savoir si c'était pas vraiment le prémisse de ce genre de boss en fait, où tu peux pour tuer le boss final, tu dois quand même passer par les boss intermédiaires, ou tu peux tenter de le faire sans avoir tué les boss intermédiaires avec une difficulté plus grande quoi. Enfin, en même temps, je pense que c'était aussi une des premières instances où tu pouvais faire les boss dans l'ordre que tu voulais. T'avais pas d'ordre particulier, sauf bien sûr tu pouvais pas pouler le boss final, on est d'accord, sinon tu te faisais ruiner en 2 secondes. Mais là tu choisissais en fait les boss que tu voulais faire. Ça c'était intéressant aussi, ça c'était bien. Ouais, et puis le côté extérieur aussi, franchement. Ouais. Alors je me rappelle, c'était un vrai, c'était un vrai bain de bonheur en fait quand on était, bon, je veux dire enfermé dans BWL, dans Bolton Core ou autre. D'aller de temps en temps dans une instance où c'était pas tout rouge, tout en mode caillou. Je veux dire, c'était vert, c'était de la nature, c'était beaucoup plus joli, c'est clair. Enfin, pas plus joli, mais c'était plus verdoyant, c'était une bouffée d'oxygène. Et on y allait souvent, même si on n'avait pas besoin forcément. Quoique, l'équipement qui s'attrapait là-bas, donc via les trophées, était très très bien aussi. Hein. Je pense équivalent, on aurait pu dire que c'était du T1,5, je pense, un équivalent. Hein. Par exemple, le stuff Zandalar. Hein. Ouais. Avec les poupées, tout ça, là, oh là là. Voilà, on allait échanger ensuite à l'île avec de Yuzhou. Avec enchantement d'épaule, non, il me semble que c'est là-bas qu'on a chopé. Oui, il y avait aussi un enchantement d'épaule, que je me souviens d'ailleurs, qui était encore très prisé, même au niveau intermédiaire, même quand on montait niveau 70, qui était encore très bien. D'ailleurs, si on regarde bien cette instance, je me demande s'ils n'ont pas testé beaucoup de choses en fait avec cette instance, parce que comme on disait, c'était le premier raid ouvert. Deuxième part, donc on pouvait faire les boss dans l'ordre qu'on voulait. Troisième part, je crois que c'est la première instance où on récupérait des objets dedans et qu'il fallait changer auprès d'une réputation, ce qu'on a vu après par exemple avec Ankiraj et les scarabées. Mm-hmm. Bon, maintenant, c'est des choses qu'on connaît beaucoup plus, avec par exemple les emblèmes et tout. C'est quand même et c'est lancé également une première instance avec un raid où il faut moins d'effectifs. Donc, c'est peut-être ce qui a donné après derrière l'idée des raids 10. Donc, si on regarde peut-être d'un peu plus loin, cette instance, elle a apporté quand même beaucoup de choses au jeu. Bah, ils ont d'ailleurs fait Zulaman, qui était à peu près la copie pour BC. Hein. Ouais. Je veux dire, c'est un peu la même chose. C'était une instance qui a été implémentée ensuite et qui était un peu un raid alternatif à Karazhan, par exemple. Et on avait aussi de l'excellent équipement qui tombait dedans. Donc, dans Zul'Gurub, je pense que ça a été vraiment un nouveau style d'instance. Et je pense très apprécié. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui y allaient. Et c'est vrai que de manière générale, j'ai l'impression que les instances ouvertes, ça plaît beaucoup plus aux joueurs. En fait, c'est celle-là qui nous marque le plus, et c'est sur celle-là qu'on prend le plus de plaisir à y aller, justement. J'admets. Mais bon, tu me diras, quand l'instance était pleine, vu les trash mobs qu'il y avait à ce moment-là, le tigre, on montait sur notre monture, on faisait 2 mètres, puis on descendait. Hein. Oui. C'était juste quand on revenait en arrière à la rigueur, ou quand on avait wipe pour revenir au boss à la rigueur. Mais je veux dire, c'est vrai que si je me souviens des gros colosses trolls, ils faisaient super mal, par exemple. C'était des mini-boss à eux tout seuls. Hein. Ouais, mais c'est le fait aussi que c'est tout vert, tu regardes dans l'air, tu vois un peu le ciel. Bon, enfin, le ciel de pixels, effectivement, pour ceux qui ne sortent pas beaucoup de chez eux, mais, mais c'était plus lumineux et plus agréable, quoi. Et oui, non, le style graphique est super quand même. Enfin, ouais. Le style des trolls, le style aztèque maya, sud-américain, civilisation amérindienne, c'est nickel quoi. Ils l'ont rempli. Ah, c'est très vieux justement. Ouais, ouais c'était ouais, bien. Ça faisait vraiment le vieux temple repris un peu par la nature. Ça fait très Indiana Jones en plus. Ouais. Enfin, bah, c'est pas pour rien qu'il y avait Harrison Jones dans Zulaman ensuite. Dans Zulaman. Ouais. Ouais, donc ça me rappelle d'ailleurs une petite anecdote, bon sympathique ou pas, mais quand on faisait le combat quand on allait sur Marly, donc la prêtresse de l'araignée, si je me souviens bien, les packs d'araignées nous injectaient du poison, et je crois que c'était aussi une des premières fois dans un raid où on avait une altération des capacités du personnage, entre guillemets, c'est-à-dire que ben on voyait tout flou comme si on avait bu et rebu, et en fait on voyait plus rien. Franchement, c'était tout flou, et je me souviens qu'on était certains en fait modifiaient l'aspect du graphique du jeu pour ne pas voir tout flou justement. Pour ouais, c'était les effets de mort, je crois. Mais là, ça pénalisait que les bourges qui avaient un bon PC qui tournait tout. Voilà, merci, excuse-moi, je suis pas bourge. Ceux qui étaient pauvres et ils avaient pas tout ça. Alors genre... moi qui n'ai pas connu Zul'Gurub, j'ai connu ça par contre à Karazhan avec Moroz. Oui, aussi. Aussi, ouais. Donc, et c'est vrai que c'était rigolo parce que des fois on se retrouvait vraiment à plus rien voir du tout, on tirait un peu n'importe où, on reprenait l'aggro parce que voilà, on prenait rien, voilà. Mais c'était assez marrant. Et c'est là qu'on voyait les alcoolos aussi, qu'ils avaient l'habitude de jouer comme ça. Oui, bien sûr. Mais traite-moi de bourge et d'alcoolo pendant. Ça te gêne pas? Non, j'ai l'habitude d'être bourré, c'est. Oh, c'est pas grave. Gérard. Donc voilà, bon, petite anecdote comme ça. Sinon, bah... Elle était une très belle robe rouge d'ailleurs que j'ai gardé un bon moment sur ma prêtresse. Non, bah non, c'est plus pour l'ambiance en fait. Moi, que j'ai adoré cette instance. Qu'ils aient gardé ce style amérindien si particulier aux trolls. Et j'aurais bien aimé qu'ils gardent cet aspect-là pour les trolls sombres lance. Parce qu'ils ont pas vraiment de. Enfin, je veux dire, à part un style un peu rasta, les trolls sombres lance, voilà, ça s'arrête là. Et le vaudou, voilà. Non, bah, non, elle est super sympa cette instance, je la conseille à tous comme d'habitude. Hein, mais voilà, j'espère que Blizzard va, avec Cataclysme, va essayer de refaire des instances comme ça, tu vois, à ciel ouvert. Des instances à ciel ouvert avec des trolls, j'adore les trolls. C'est justement cette instance-là qui m'a donné envie de faire un troll. Et voilà, je laisse la parole à Circle. Mais là où je pensais que ça pourrait être intéressant, par rapport à ce que disait JP, serait qu'ils fassent en fait une grotte du temps 5, ou 6, ou 7, enfin ce qu'ils veulent, où justement on participe à la guerre entre les elfes de la nuit, il y a 10 000 ans, et les trolls. Au début, ça pourrait être sympa, ça. Ça pourrait être marrant, ouais, effectivement. Bon, après c'est une idée comme une autre, mais... Voilà. Ah, écoute, toute une idée est bonne à prendre. Après, je pense qu'il y a tellement d'idées possibles pour le jeu... Par contre, bah, pour en revenir au combat final, donc Akkar, c'est vrai que c'était un bon combat, moi j'aimais bien, et quand même assez difficile, et je me souviens d'un petit truc aussi qui marquait le fait que t'étais dans une bonne guilde ou pas, c'est que pendant le combat, les chasseurs, ce qu'ils allaient faire, souvent, c'est ils allaient apprivoiser un fils d'Akkar, qui était, donc avait un skin un peu unique, rouge avec un peu de bleu, si je me souviens bien. J'avais eu un pendant. C'était quoi comme bestiole? Oui, c'est le. Alors, c'était des espèces de serpents volants, serpents des vents. Ok. Tu sais, comme on en trouve aux mille pointes aussi, simplement que là, bah, c'était fils d'Akkar que c'était marqué dessus. Hein. Et c'était assez bien, puis c'était des bons pets d'ailleurs pour la plupart des choses, puisque attaque à distance, poison, tout ça. Oui, parce qu'à l'époque, ils avaient leurs propres caractéristiques, plus comme maintenant. Voilà, exactement. Et je me souviens que, en fait, ça se passait vu que normalement, à un moment donné, il fallait aller utiliser un des fils d'Akkar pour le combat. Et que, bah, oh, rien à fiche, moi j'allais l'apprivoiser. Donc ça faisait juste durer le combat deux fois plus longtemps, mais c'est pas grave. Et il y a aussi une anecdote assez sympathique qui avait été relatée par pas mal de sites à ce moment-là. C'est que Akkar balançait une maladie sur le raid, enfin en tout cas sur plusieurs personnes, qui était le sang contaminé en fait. C'était une espèce de tic en fait qui faisait des dégâts. Et ce tic, s'il n'était pas des curses, bah, il continuait non-stop en fait. C'était voilà, c'était transmissible un peu comme un virus. Et il y a des joueurs qui en fait, bah, après avoir fini donc le combat, ou après avoir, je sais pas, fui ou j'en sais rien, mais surtout après avoir fini le combat, qui faisaient un TP en capitale avec cette maladie. Et qui commençait donc à la transmettre à tout le monde. Et quand je dis à tout le monde, c'est qu'il y a eu des serveurs qui ont été limite mis en quarantaine pour pouvoir stopper, entre guillemets, l'hémorragie. Voilà, stopper l'hémorragie, plutôt le virus, parce que ça devenait une pandémie du serveur, quoi. Ils ont eu la grippe H, la grippe Akkar. Voilà, la grippe H, ouais. T'es con, t'es calme. Non, mais bon. Et en fait, d'ailleurs, il y a une vidéo, que je vous mettrai, qu'on mettra en lien de l'émission, dans les notes de l'émission, qui montre un petit peu les ravages que ça pouvait faire. Et en une vingtaine, trentaine de minutes, c'est bon, hein, tout le monde était mort dans la capitale, voire dans le reste du serveur. Par contre, tu pouvais contaminer la faction adverse alors? Ouais, tu peux contaminer tout le monde, hein. Dès que quelqu'un était à côté de toi, hein, ça contaminait. Oh. Je me rappelle justement à l'époque où les journaux s'étaient empressés de faire des beaux titres, genre le premier virus de WoW. Ouais, c'est vrai que ben ça, je l'ai pas vécu personnellement, mais c'est vrai que ça devait être assez rigolo, quoi. Ça devait être. Et en fait, ben, c'était con. Les gens savaient pas, quoi. Les gens, les développeurs avaient vraiment pas pensé à ça, ou alors peut-être qu'ils y avaient pensé et puis qu'ils devaient rigoler, mais ça avait fait un sacré foin parce qu'il avait vraiment fallu mettre donc un serveur en quarantaine. Je pense que DMJ arrive et puis fasse une dissipation intégrale des maladies, mais bon. Ouais, ou l'exécution d'un script aussi, je pense. ouais, c'est aussi, ouais. Touche macro, c'est réglé. Mais bon, c'est un peu moins fantaisie, mais bon. Ouais, non, mais tu peux pas laisser un peu place à la fantaisie, Ludo. C'est clair. Oui, non, c'est vrai, un décurse suprême. Voilà, le décurse suprême, il arrive dans la lumière et « Je vous guéris tous !» Et paf, tu vois. Bon, le serveur down. C'est ça, la guérison. En fait, il les a tous tués pour ressusciter, plus personne n'était malade, impec. Non, mais bon, pour dire, bah voilà... personnellement, moi, c'est vrai que c'est une instance que j'ai pas mal faite d'ailleurs, parce que après ma période hardcore gamer et après ma pause pré-BC, j'ai recommencé dans une guide sympa qui était justement sur Zul'Gurub. Et même si je l'avais déjà fait, je l'avais pas fait beaucoup de fois en fait, mais j'avais quand même done avant de faire ma pause plusieurs fois avec la grosse guilde dans laquelle j'étais. Et je suis revenu donc dans une guilde casu. Ça restait toujours un plaisir et même limite un challenge, vu qu'on était un petit peu moins, enfin la plupart étaient un petit peu moins stuffés et avaient pas l'habitude. Les strats étaient très intéressantes, je trouvais, franchement, même comparé à des strats Molten Core ou quoi. Et franchement, c'est des fois on y retourne comme ça pour voir, bon, pour essayer d'avoir même le tigre zulien à la rigueur, mais bon, on y va quand même. Je trouve que c'est joli et c'est vrai que je regrette de pas pouvoir la refaire avec le même mode de difficulté qu'il y avait avant. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Zul'Gurub? Amandine, peut-être. Ah oui, Amandine, t'as quelque chose à dire, toi, sur Zul'Gurub, même si tu ne l'as pas fait. Parce que dans Zul'Gurub, on peut avoir les raretés d'Amandine. Deux montures dans le Raptor. Et le tigre. Voilà, exactement. Le tigre, franchement sublime. Par contre, de mémoire, je peux plus vous dire les noms des boss sur lesquels on peut les avoir. Ben, c'est très simple, en fait. Le Raptor, tu pouvais l'avoir sur le Seigneur Sanglant Mandokir. Et le tigre sur Tekal, voilà. Bon, le taux de loot était de 0,1%. De temps en temps, je vois passer le tigre zulien, il est trop beau. Un truc qui a se flingué, quoi. Oh non, mais le tigre, il est vraiment, vraiment beau. Bon, voilà pour Zul'Gurub. On espère vous avoir remémoré de bons souvenirs. Si vous aussi voulez partager vos souvenirs, bah, n'hésitez pas, venez en parler sur les forums, enfin sur nos forums plutôt même. Donc c'est à vous, vous avez la parole. Et comme on dit, je vous laisse à circuler le mot de la fin, en fait, la phrase de Wotaku. Alors la phrase mythique de Wotaku, c'est désormais Zul'Gurub, c'est bon, mangez-en. Ouais, trop bien. C'est poisy. Torn into pieces.